Je déploie mes ailes comme un SLR. Je déploie mes ailes comme un SLR. SLR, SLR, SLR. SLR, SLR, SLR. Je fais mon charbon, je suis un hustler. Je garde les fers comme un receleur. Receleur, receleur, receleur. Receleur, receleur, receleur. Charbon, je suis un receleur. Je garde les fers comme un receleur. Receleur, receleur, receleur. Receleur, receleur, receleur. Si c'est ça être un les gros puissants, je déploie mes ailes comme un SLR. Je déploie mes ailes comme un SLR. SLR, SLR, SLR. SLR, SLR, SLR. Rends les lobes avant que ça dégénère. Rends les lobes avant que ça dégénère. Dégénère, dégénère, dégénère. Dégénère, dégénère, dégénère. Ah ah, ce qui peut arrêter, j'avoue, j'ai pas qui t'a saucé. T'es là, toute ta grand-mère, on sait même pas qui t'a croisé. T'es perdu comme une actrice porno, voilà une bière creusée. T'es monté, tu vas chuter, retomber sur la bite à gosser. Je déploie mes ailes comme un SLR. Je déploie mes ailes comme un SLR. SLR, SLR, SLR. SLR, SLR, SLR. Je fais mon charbon, je suis un receleur. Je garde les fers comme un receleur. Receleur, receleur, receleur. Receleur, receleur, receleur. Ça veut pas.